n'est pas assez de vent pour quitter le port. Il n'est pas assez de vent pour prendre le nord. Et mes demain grandes marées, nous demain seront lavées. Je connais ben insoumise pour tes lames d'acier. Au bas de l'eau n'est pas de mise, habité sans quartier. Il met demain en demeuré, les amas seront larguées. Des courants, mais tout au fond de toi, je sais qu'il reste des brisants que le marin ne connaît pas. Oui, mais demain, grande marée, nous demain serons lavés. Il n'est pas assez de vent. Le port, il n'est pas assez de vent, et la chanson me troublait encore. Oui, mais demain, en demeurée, toute l'âme à nous faire quitter. Oui, mais demain, en demeurée, le vieux marin